de retour. Ici le Vieux-Sieux Mémorial au Club des Normands. À tout de suite! Allô tout le monde! Ici Marianne! Et Justine! Bienvenue à l'émission Club des Normands. Eh oui, on est de retour. On s'excuse de pas avoir fait d'émission pendant tellement longtemps. Mais c'était pas notre faute. C'était petit quelque chose. En tout cas, c'est pas important. Problème technique. Ouais. Bon, alors on commence avec la blague numéro 1, comme d'habitude. Pour se remettre dans l'ambiance. Le professeur, donne-moi le nom de ta fleur préférée. Valérie. Le chrysanthème. Le professeur. Écris-moi ce mot au tableau. Valérie. Tout compte fait, je crois que je préfère les iris. Maintenant, c'est temps du truc écologique. Alors, la dernière fois qu'on a fait une émission, le truc écologique, c'était réutiliser. Parce qu'on avait commencé les 3 R... Le truc des 3 R. Fait que là, le 2e R cette semaine, c'est recycler. Recycler, yo! Vous avez sûrement déjà entendu parler du recyclage, mais on fait juste vous faire un petit rappel que vous pouvez recycler quasiment n'importe quoi, comme des canettes de liqueur, des bouteilles d'eau, des petits sacs de plastique, du carton, du papier, des enveloppes, des journaux. N'importe... Ben, presque n'importe quoi. Comme... Tu sais, quand vous avez un petit jus, admettons, jetez-les pas dans la poubelle, jetez-les dans le recyclage. La paille, ça va dans la poubelle, mais le qu'on a va dans le recyclage. C'est comme les petits sacs de plastique que vous mettez des collations dedans. Vous les mettez tout le temps à la poubelle, sauf que là, c'est le temps de changer d'habitude. Mettez-le dans le recyclage! Alors, c'est ça le truc écologique de cette semaine. Recycler! L'histoire d'aujourd'hui. Un conte traditionnel de Noël. Que nous avons changé au jour de l'an, parce que le Noël, ça fait assez longtemps que c'est passé, là. Casse-noisette! Que nous vous avons changé à... Lucky Luke! Par rapport à pantoute, hein? Ben, vous allez voir. C'était le soir du 31 décembre 2010. Il y avait un gros party dans une grande maison avec plein de personnes. Mais pas toutes les invités étaient encore arrivées, fait qu'il y en attendait encore d'autres. Tout à coup, la porte sonne. Qui pouvait bien être? La fille nommée Clara à la réponse. Bonjour. Bonjour, ma petite. T'es qui? Pour m'appeler petite? Eh ben, je suis ton parrain, quand même. Hein? J'ai un parrain? Mais là, je pensais que j'étais inoubliable la dernière fois que je t'ai vu, t'avais 14 heures. Ben, entrez. Merci. C'est ça que j'aime. Alors, le party continua jusqu'à 11h30. À 11h30, c'est le temps de donner les cadeaux du nouvel an. Donc, ils faisaient ça dans leur famille. Alors, c'est à cet instant que l'oncle révéla... Qui il était, ou le parrain, je veux dire. Ma petite Clara, je suis un magicien. Ah. Et je vais te donner un cadeau. Magie. Quoi? Un calendrier de Lucky Luke. Hein? Je sais, c'est tellement merveilleux des calendriers. De nos jours, on s'occupe de toutes les affaires de cellulaire et iPod. Who cares? Oh, merci. En tout cas. Eh bien, moi, il faut que je m'en aille. Au revoir avec ton calendrier. Alors, la party était presque finie parce qu'il était maintenant déjà 2h du matin. Fait que tout le monde partit et alla se coucher. Tout à coup, Clara entendit un bruit venant d'en bas. On allait voir si tout allait bien, si son calendrier était toujours en place. Mais son calendrier avait bougé. Elle l'avait mis debout. Et quand elle était arrivée, Il était couché! Oh, mon calendrier. Je suis allée voir le cellulaire de mon frère pour voir quelle heure. Tout à coup, elle s'assit sur le fauteuil à côté de son calendrier et prit le cellulaire. Mais tout à coup, elle se sentit rapetissée. Plutôt, elle voyait tout autour de elle vraiment, vraiment gros. Et c'est là qu'elle réalisa qu'elle était devenue plus petite qu'un cellulaire. Alors, elle regarda son calendrier et vit Lucky Luke bouger. Tu bouges? Ouais. Je suis sûrement en train de rêver. Nope. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est alors que Lucky Luke sortit du calendrier. Salut là, ma petite. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est alors que les frères Dalton, à leur tour, sortirent. Hey Joe! T'as vu ça? Elle est belle, la petite! La ferme à Fred! Oh, quand même! Pourquoi il veut jamais m'écouter, celle-là? J'ai dit la ferme! Ouais. Il faut là que j'en porte en prison, les autres. Puis, comment ça se fait que vous êtes comme sortis du calendrier? Il faut que nous nous bataillons contre ces méchants cellulaires. Ils sont pas méchants, ils sont bien mieux que vous, en tout cas. Des calendriers, c'est comme ancien temps. Excuse-moi. Hey, Joe! Il est méchant! Il est méchant! Elle nous a traités d'ancien temps! Aïe, aïe, aïe. Écoute-moi, la petite Clara. Eh ben, écoute, les cellulaires, là, ils essaient juste de nous couper le droit de se faire donner aux personnes. Tout le monde en achète maintenant! Pourquoi? C'est quoi que de plus fun avec un cellulaire qu'un calendrier? Les calendriers, c'est bien plus cool! Ben, c'est tout comme... t'as plein d'autres affaires. Hein? Hey, Joe! Ça, c'est un cellulaire qui a dit ça! Oui, Manfred. Hey, Joe! C'est un cellulaire qui a dit ça? Ouais, c'est nos adversaires. Les numéros à l'attaque! C'est alors qu'elle vit tous les numéros du calendrier. Du 1er au 31, 30 au 29... Sorti. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? À l'attaque! Ah! Ah! Arrête, espèce de cellulaire! Hey, Joe! Qu'est-ce que tu fais dans les bras d'un cellulaire? La ferme, ma frère! J'y vais dans ses bras! Hey, Manfred! Joe est en train de se faire capturer par un cellulaire! On devrait peut-être demander à Lucky Luke de nous aider. Lucky Luke! Lucky Luke! Lucky Luke, je pense que les frères Dalton veulent te parler! What? Joe est en train de se faire capturer, Luke! Et c'est alors qu'ils virent Joe disparaître sous le fauteuil, en compagnie de toutes les cellulaires et Blackberry et iPod Touch et tout. Il faut leur venir en aide! Tout le monde se mit à courir en dessous du fauteuil et ils rentrèrent dans le monde de l'électronique. Wow, c'est bien fun ici, c'est bien hot, c'est bien cool. Wow, j'ai jamais parti d'ici. Il y a peut-être Blackberry partout. Ouais. Luke, il faut aller libérer Joe là. Il est en train de se faire capturer. La ferme, Fred! Alors, ils essaient de suivre leurs traces, mais avec toutes les millions de Blackberry et de cellulaires qu'il y avait là, ils les perdirent facilement. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? On sera obligé de rester ici de bord? C'est tellement triste. Ouais. Mais non, on peut pas rester ici! Il faut aller libérer Joe! Ouais, là! Il faut libérer Joe, là! Parce que Joe, c'est mon pote! Et en plus, on avait prévu tout détruire les Blackberry, vous vous rappelez? Numéro chargé! Maintenant, il ne restait que les ordinateurs impossibles de tuer. Mais les autres, c'était pas grave, ils ne bougeaient même pas. Alors, ils suivirent les traces de Blackberries qu'il avait par terre dans la neige. Il suffit jusqu'au poste de MP3 électronique. De police. Clara, t'aimes ça, hein, toi, les cellulaires? Oui, je trouve ça tellement beau, là. Vous êtes tellement comme, waouh, tellement intelligent, pis tout ça, pis tellement comme, waouh, pis en plus, vous pouvez mettre comme plein d'affaires sur vous, c'est comme, waouh! Ouais. Fait que, vu que tu les trouves toutes ça, là, va donc leur dire. Ok, d'abord. Alors, c'est ce qu'elle fit, et pendant qu'elle était en train de flatter, Joe en profita pour s'en aller. Hé, hey, Joe! Je t'ai sauvé la vie! La ferme, Alfred! Les enfermèrent dans une prison électronique du poste de police et retournèrent vers leur monde. Le matin venu, Clara se réveilla en sursaut. C'était juste un rêve? Oh, quand même! Pour s'en assurer, elle regarda sur le fauteuil et elle trouva juste de la poussière. « Alors, chérie, tu viens déjeuner ?» appela la mère de Clara. « Oui, j'arrive. » Mais juste avant de partir, elle se retourna pour voir son calendrier et vit que Lucky Luke lui fit un clin d'œil. Ouais. Et c'est la fin. J'espère que vous avez aimé cette histoire un peu longue et plate, mais j'espère que vous l'avez aimé pareil. Alors, la morale de cette histoire... La morale de cette histoire, c'est de regarder ce que nous avons pas et de laisser ce que nous avons. Ou le contraire. Non, la morale, c'est qu'il faut prendre le temps de voir. C'est qu'il ne faut pas oublier les vieilles affaires parce que quand on prend juste la technologie, ça fait de la peine aux choses originales. Ouais. En tout cas, blague numéro 2. Ne pas avoir ce que nous avons. Un cambrioleur. Le flic arrive, vite! Saute par la fenêtre! Son complice. Mais nous sommes au 13e étage! Le premier. Ce n'est pas le moment d'être superstitieux! C'est déjà le temps de vous dire au revoir et à la prochaine pour vous voir regarder ce que vous n'avez pas! Quand même! Bon, alors, on vous rappelle que vous pouvez nous écouter sur notre site www.leclubdenombre.com si vous n'êtes pas déjà dessus. Ou sur iTunes! Ben, c'est là que vous devriez être si vous êtes sur le site. Alors, ouais, bye! N'oubliez pas, la semaine prochaine ou peut-être cette semaine, nous aurons un petit skip. N'oubliez pas de regarder notre site chaque jour. Bon, chaque jour, bye. Adios, amigos. À la prochaine.